Après cette longue série de préceptes sur la vie d'ici-bas, il nous reste à aborder le résultat pour la vie dans l'au-delà et le jugement dernier. L'amour des plaisirs tels que les femmes, les enfants, les trésors entassés d'or et d'argent, les chevaux superbes, les troupeaux, les campagnes, tout cela paraît beau aux hommes, mais ce ne sont que les jouissances temporaires de ce monde. La retraite délicieuse est auprès d'Allah. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et une frivolité. La vie future vaut mieux pour ceux qui craignent. Ne le comprendrez-vous pas? Le jour viendra où les infidèles préféreraient avoir été musulmans. Et dans les extraits précédents, vous avez assez entendu qu'ils sont voués à un feu éternel. Allah a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes pour qu'il leur donnât en retour le paradis. Ils combattront dans le sentier de Dieu, ils tueront et seront tués. La promesse d'Allah est vraie. Il l'a fait dans le Pentateuch, dans l'Évangile, dans le Coran. Et qui est plus fidèle à son alliance qu'Allah? Réjouissez-vous du pacte que vous avez contracté. C'est un bonheur ineffable. Ceux qui observent les préceptes d'Allah, vous serez rétribués selon vos œuvres. Les fidèles serviteurs de Dieu recevront un certain don précieux, des fruits délicieux. Ils seront honorés dans les jardins des délices, se reposant sur des sièges et se regardant face à face. On fera courir à la ronde la coupe remplie d'une source d'eau limpide et d'un goût délicieux pour ceux qui la boiront. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ils auront des vierges au regard modeste, aux grands yeux noirs et au teint éclatant, semblable à celui d'une perle dans la coquille. Le Coran est un avertissement pour l'univers. Au bout d'un certain temps, vous apprendrez la grande nouvelle, c'est-à-dire le jour du jugement. L'homme veut nier ce qui est devant ses yeux. Il demande « Quand donc viendra le jour de la résurrection ?» Lorsque l'œil sera ébloui, lorsque la lune s'éclipsera, lorsque le soleil et la lune seront réunis, l'homme criera alors « Où trouver un asile ?» Non, il n'y en a pas. Ce jour-là, la dernière retraite sera auprès de ton Seigneur. On récitera alors à l'homme ce qu'il avait fait autrefois et ce qu'il a fait en dernier lieu. L'homme sera un témoin oculaire contre lui-même, quelques excuses qu'il présente. Ainsi s'achève ma présentation du Coran, le livre saint des musulmans. Outre le Coran, la majorité des musulmans se réfèrent à d'autres textes, les hadiths. Recueil des paroles et des actes de Mohammed et de ses compagnons à propos de commentaires du Coran ou de règles de conduite. Mais, comme pour certains évangiles dits apocryphes, certains hadiths ont été écartés par la tradition musulmane car elle ne les jugeait pas authentiques. Mais Coran et hadiths conservés sont les deux bases de la loi islamique, la charia. Et sans entrer dans le détail, des différents courants de l'islam, qui n'était pas mon propos aujourd'hui, j'ajouterai que les deux principaux courants de l'islam sont le sunnisme. Les sunnites représentent 80 à 85% des musulmans d'aujourd'hui. Et le chiisme, les chiites étant pour la plupart en Irak et en Iran. Ce qui distingue ou oppose les sunnites et les chiites, c'est que pour les chiites, le Coran est suffisant, alors que les sunnites considèrent les hadiths comme des suppléments et des clarifications essentielles au Coran pour constituer et déterminer la sunna, la tradition musulmane.